apaiser les tensions dans les grands lacs. C'est-à-dire des espèces de mots qui veulent tout dire et qui sont des bouffes qui veulent rien dire. Ça veut dire quoi? Apaiser les tensions dans les grands lacs et en Afrique centrale. Débloquer la transition en Libye. Une phrase sur les questions d'ordre politique au Mali, sur les questions d'ordre politique au Burkina Faso et en Guinée-Conakry. Pas une phrase. Pas une phrase sur le Mali qui crie que je suis déstabilisé depuis à cause d'un pays qu'on appelle la France. Pas une phrase de dire que ben, cette histoire du Mali-là, si le Conseil de sécurité ne vous ouvre pas ses portes pour venir discuter de ça, apportez-nous ces éléments ici. On organise une séance puisque lors de cette rencontre, c'est-à-dire que le 36e sommet de l'Union africaine, il y a les chefs d'État et les chefs de gouvernement, les représentants des chefs d'État. Donc il y a la conférence des présidents sur place. Tout à fait. C'est l'organe suprême. Afrique Média, le monde, c'est nous.